On est le dernier lundi du mois, le 30 septembre à 13h, et comme tous les derniers lundis du mois, c'est joie, rage et courage. Et si on commençait cette émission par une petite devinette? Quel est le point commun entre Luis Fernandez, Nicolas Sarkozy, Nicolas Hulot, Raffarin, Michel Sardou et joie, rage et courage? Eh ben, c'est Jacques Chirac. Et oui, on va consacrer cette émission à Jacques Chirac. On a bouleversé les programmes, comme tous les médias. Bref, Radio Dio, ça devient un média mainstream presque. Et donc voilà, on va parler de Jacques Chirac. Hommage ou désert ? This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. Bonjour, voilà, c'est Jacques Chirac qui nous parle, qui va nous parler aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui m'appelle dans le studio, mais je ne vais pas pouvoir décrocher, désolé. Donc voilà, on va parler de ce qui se passe. Et ça nous a pris beaucoup, ça prend beaucoup de place dans les médias. La question s'est posée, est-ce qu'on en parle ou pas? Et vu que c'est une journée nationale, vu que on devrait plus ou moins taper dans l'heure, la minute de silence, eh bien, c'est dit qu'on parlerait un peu, faire un peu de bruit là-dessus. On va commencer par lire un texte. Et puis après, on enchaînera sur deux sujets parmi toute la brillante carrière de Chirac. On va parler de Mururoa et puis de second tour en 2002. Voilà. Mais on va commencer par un texte qui reprend un peu son œuvre générale. C'est un texte trouvé sur Indymedia Nantes qui s'appelle, qui est écrit par un collectif courant communiste révolutionnaire, il me semble. Bref, pleurer la mort d'un président. Oui, pardon. Pleurer la mort d'un président. Vous êtes sérieux? This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. Le titre fera bondir. Chirac est l'un des personnalités politiques les plus appréciées des Français. Compliqué si ça sonne tout le temps. Et des Françaises, paraît-il. Cela n'en fait pas pour autant le meilleur ami des classes populaires, lui qui disait vouloir réduire la fracture sociale. C'est ainsi qu'on se le rappelle, voulant réduire les tensions sociales dans le pays. À la veille de son arrivée à la présidence, en 1995, en guise de fracture, il y aura la réforme Juppé, des régimes spéciaux et de la Sécu, que le gouvernement devra ravaler. Après un intense mouvement de grève en novembre et décembre 1995, certains s'en rappellent encore avec joie. Et puis il y aura le mauvais coup entre Et puis il y aura le mauvais coup contre les retraites des fonctionnaires en 2003, avec François Fillon à la manœuvre, la proclamation de l'état d'urgence pour faire taire les banlieues en 2005, et la tentative de mettre en place un salaire au lance-pierre pour les jeunes, le CPE en 2006, spéciale dédicace à De Villepin. Ses détracteurs, au premier rang desquels Nicolas Sarkozy, il a accusé d'avoir été un roi fainéant lorsqu'il est à l'Élysée. Ce n'est pas faute d'avoir tapé ou voulu taper sur le monde du travail. En termes de matraque, d'ailleurs, Chirac en connaissait un rayon. C'est lorsqu'il était Premier ministre en 86 que les voltigeurs de Charles Pasqua, son grand pote, à l'époque, assassinent Malik Oussekine en marge des manifestations contre le projet de réforme universitaire de Vaquer. Et quand la matraque ne suffit pas, Chirac fait tirer à balles réelles. En Kanaky, en mai 1998, il fait donner l'assaut à la grotte d'Ouvéa contre les combattants du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, qui se solde par 19 morts. Pour un ami de l'Océanie, comme se présentait parfois Chirac, ça la fout mal. Mais celui qui a prononcé un vibrant discours, écrit par Nicolas Hulot, sur la maison qui brûle et la protection de l'environnement à Johannesburg en 2002, était le même qui, quelques années auparavant, avait déjà donné l'ordre de relancer les essais nucléaires en France, à Nouméa, à Mururoa, dans les territoires coloniaux français que Paris possède en Polynésie. Désolé, j'ai un petit problème technique. C'est joueur âgé courage, hein, je vous rappelle, c'est habituel. Une histoire abracadabrantesque. Et oui, c'est abracadabrantesque. Jamais à un paradoxe près, Chirac a fait la girouette toute sa vie. Vendeur de l'humanité dimanche au début des années 1950. Il est gaulliste souverainiste un peu plus tard, conseiller de Pompidou et marié à une aristo, ce qui lui permet de conquérir un siège de député en Corrèze dès 1967. Opposé à l'Europe, puis fervent partisan de la mise en place de l'austérité au vu du lancement de l'euro, opposé à la guerre en Irak, certes, il donne pourtant son accord à la mise en place ou à la poursuite des opérations éperviers au Tchad dans les années 1990, à l'invasion de l'Afghanistan après 2001, puis à l'opération Licorne en Côte d'Ivoire en 2002. Ce texte oublie aussi la guerre en ex-Yougoslavie. Humaniste, ami des arts premiers pour sous ses dehors d'amateurs de bière et de musique militaire, soi-disant pour faire davantage proche du peuple, ce qui indique que l'image de Chirac se faisait du peuple. L'ancien président a surtout avant tout été un politicien de droite qui n'a jamais renoncé à une petite phrase raciste pour faire son beurre électoral. On se souviendra du bruit de l'odeur des immigrés. Si l'erreur soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse. C'est ce que j'appellerai l'impunité zéro. Le 4 mars, le candidat président est à Mantes-la-Jolie. Sur la Chirac, c'est un escroc, lui-même c'est un délinquant. Après, il veut calmer l'indélinquance. Les affaires ont laissé leurs traces dans les mémoires. Le slogan d'impunité zéro revient comme un boomerang. Et pour finir, il y a les affaires. Certes, celle de la ville de Paris et du Rassemblement pour la République, le RPR, avec à la clé des emplois fictifs pour au bambou 1,4 million d'euros de détournement. Ce sont ses lieutenants au premier rang desquels Alain Juppé qui vont prendre pour lui et servir de paratonnerre et se faire légèrement condamner en termes d'un marathon judiciaire dans lequel il mettra pas mal de bâtons dans les roues. Malgré 40 ans de vie politique et 12 ans d'immunité présidentielle, Chirac sera au final néanmoins jugé au rabais en 2011 et condamné à 2 ans de prison avec sursis. Pour vous, les sommes se dégonflent. C'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles font pchit. Eh oui, elles font pchit. Mais on ne saurait se réjouir de la mort d'un homme. En revanche, on peut encore choisir pour qui pleurer. Et contrairement au cœur quasi unanime qui, de gauche à droite, en passant par Macron et Mélenchon, rend hommage à celui dont on vient d'annoncer la mort, on fera le choix de s'abstenir. Chirac, jusqu'au bout, aura su défendre ses intérêts. personnel et surtout ceux du patronat français qui s'est forcé de servir tout au long de sa carrière politique. Comme quoi le vieux monde, tant décrié par Macron, n'avait pas que des mauvais côtés pour la bourgeoisie. Voilà pour ce texte. Voilà une émission qu'on va dresser sur Chirac. On va pas parler de toute sa brillante carrière, de son passage en Algérie pendant la guerre, de sa défense et son soutien à l'agro-industrie, bref, de toute son œuvre, toutes ses enveloppes, tous son côté politicard horrible. Et bref, on va se concentrer sur principalement donc deux choses, les élections en 2002 et Mururoa. Mais on va commencer par un petit morceau de la Mano Negra sur son œuvre parisienne. Paris la nuit, c'est fini. Tenez, regardez. Les petites lumières de minuit. Deux blancs, alors. Un rouge, un blanc. Deux rouges, deux blancs. Jaco, qu'est-ce que tu veux? Un muscadet. On va t'adégoûter. Personne pour hurler la nuit, que le vieux clochard sous pont de Marie. Dans la ruelle, plus des matons, plus les apaches sont en prison. Tout est si calme, ça sent le pourri. Paris va crever d'ennui. Restons s'il vous plaît. Paris se meurt aujourd'hui. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Un crime de l'humanité contre la vie. Après quelques jours où la mobilisation à Bure était marquée par plusieurs manifs et plusieurs événements de lutte, Bure, un lieu où l'État veut enfouir des déchets nucléaires, on s'est dit que la mort de Chirac, c'était l'occasion de revenir un peu sur Mururoa. Et du coup, on va vous passer un petit extrait. C'est un mélange, c'est un montage qui reprend différentes plages info du 20h de France 2 sur l'annonce sur les essais nucléaires, sur les émeutes à Papette que ça a entraîné. Et puis on va bien pouvoir écouter la langue de bois métropolitaine, pro-coloniale. Et puis après on va passer des extraits de reportages et une bande-annonce de documentaires sur la situation. D'abord, le documentaire ne parle que des militaires qui sont malades. Puis l'extrait du reportage est sur les malades du cancer maintenant à Mururoa. Donc on va passer ce petit montage. Je me souviens, et je ne suis pas le seul, que c'est grâce à l'écoute. À de nombreuses reprises que sa sensibilité écologique s'est éveillée, a émergé et a débouché sur ce discours de Johannesburg qui a été un premier jalon auquel on se réfère aujourd'hui, une parole vraie, une parole dure, une parole crue sur cette maison qui brûle et que nous ne regardons pas. Madame, Monsieur, bonsoir. La France a donc procédé au premier de ses essais nucléaires annoncés dès le mois de juin par le président de la République, Monsieur Jacques Chirac. Le tir sous-marin a eu lieu hier soir à 23h30, heure de Paris. Aussitôt après, nos envoyés spéciaux Thierry Tuillier et Franck Brisset étaient sur place. 5, 4, 3, 2, 1, CRT. Bon. 20 kilotonnes sur les courbes des sismographes, voilà ce que ça donne pendant 4 à 5 secondes, le temps de la grande secousse. Vibration assez forte, hein. Mais point de vue, disons, maire, je n'ai pas pu dire parce qu'on était dans des bâtiments à l'abri. La seule chose que l'on ressent, c'est un léger ondulation du sol qui dure pas très longtemps et c'est tout, et c'est fini. C'est extrêmement impressionnant et puis après, tout le monde se remet au boulot. Tout va bien, content d'être toujours là, quoi, et de se rendre compte que rien n'est changé pour nous, le cadre de vie est toujours le même. Et c'est vrai qu'à l'arrivée du petit groupe de journalistes autorisés à se rendre à Mururoa, rien ne permet d'imaginer que quelques heures auparavant, sous les eaux du lagon, une explosion a eu lieu. La France vient pourtant de reprendre ses essais nucléaires, une expérimentation destinée à la simulation, avec immédiatement le souci de rassurer, même si aucun journaliste n'a pu se rendre au-dessus du point d'explosion. Les premières informations que nous avons nous disent que toutes les mesures ont fonctionné convenablement, que les signaux ont bien été enregistrés, que nous avons un taux de réussite quasi total et parfait. Je peux vous dire qu'avant de venir à cette conférence, je suis passé au PC qui permet, où on contrôle toute cette radioactivité, il n'y avait absolument aucune fuite détectée. La France a choisi de répondre au moins symboliquement à ceux qui la soupçonnent de vouloir, avec ses essais, perfectionner son arsenal nucléaire. L'urgence est bien à l'acquisition de techniques de simulation, en le réaffirmant d'emblée, les autorités françaises espèrent ainsi désamorcer la protestation antinucléaire. Passons à la Polynésie française maintenant. Hier matin à Papété, la manifestation des indépendantistes qui protestaient contre les essais nucléaires français a finalement tourné à l'émeute. Le mot n'est pas trop fort. D'abord sur l'aéroport qui a été complètement détruit, suivi d'un saccage en règle du centre-ville. Reportage Thierry Tuillier, Franck Brisset. Ils sont 200 à 300, dont beaucoup de jeunes. Et ils ont forcé les grilles qui protègent le tarmac de l'aéroport. Très vite, nous sommes en début de matinée, les manifestants prennent d'assaut les appareils qui y stationnent. Le face-à-face dégénère, les maigres forces de l'ordre sont débordées, parfois molestées. L'avion à destination de Paris est cloué au sol. Ses passagers, à peine embarqués, doivent redescendre. Une première charge de gendarmes mobiles, une première salve de tir tendu, permettent alors de refouler les manifestants en bout de piste. Je suis venu ici pour faire un sitting ici. Là. Et il paraît que Floss il est dans l'avion pour partir en France. C'est ce qu'on voulait faire ici. À chaque fois qu'il y a une manifestation contre lui, il prend l'avion et il part. Il s'en fout carrément de nous. Pendant ce temps, dans l'aéroport, d'autres groupes de manifestants investissent l'aérogare. C'est le début des émeutes. Le résultat de Chirac, ça. Sa faute. Il dit c'est le paradis, pourquoi il vient faire la bombe ici au lieu de mettre en France. Maintenant, les gens veulent de la violence. Chirac veut de la violence, il va l'avoir. En quelques minutes, le feu prend. L'aérogare va bientôt être réduit en cendres. Puis les émeutiers s'attaquent au parking, incendiant tout ce qui leur tombe entre les mains. Les quelques 200 gendarmes ne parviendront que provisoirement à repousser les manifestants, qui finalement réinvestiront en fin d'après-midi les abords du parking de l'aéroport. Ils sont très mobiles et puis ils agissent surtout en petits groupes, un ou deux, avec des cailloux. Donc, et en plus, ils sont très forts, ce qui fait qu'ils arrivent à approcher les cailloux très très loin. Et alors que les pompiers se rendent tout juste maîtres des incendies dans l'aéroport, laissant apparaître des dégâts considérables, la nuit tombe. Et l'action des émeutiers se déplace en ville. Mais les jeunes, aux motivations vaguement indépendantistes, ont laissé cette fois-ci la place à des casseurs, plongeant les habitants dans le désarroi. Une dizaine d'établissements sont en feu, tandis que les légionnaires arrivent de Mururoa, mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. Mururoa, ou quand le paradis découvre l'enfer. 2, 1, feu ! En 30 ans, 193 essais nucléaires vont avoir lieu en Polynésie française. 23 ans, jeune, insouciante, avec une fleur dans les cheveux. Et puis là, ben voilà, 20 ans après, opérée de mon cancer. Le rayonnement provoque des modifications, ce qu'on appelle des mutations de l'ADN. J'ai eu 11 enfants, dont 6 sont morts. 3 de nos enfants sont décédés à la naissance. Le regret le plus fort, c'est d'avoir contaminé mes filles. Et peut-être mes petits-enfants. Bon baiser de Mururoa, lundi prochain. À Tahiti, il y a une date gravée dans tous les esprits. 1966, l'année où la France a procédé à son premier essai nucléaire en Polynésie. 44 ans plus tard, Tero Kimaro va peut-être devenir l'un des premiers malades de Polynésie indemnisés par l'État français. Ça va, tu ne tousses pas ? Non. Ça va ? Ça va. Pas trop de... Non. Ça ne te gêne pas là ? Non. Non ? Tero Kimaro a travaillé 3 ans à Mururoa. Aujourd'hui, il souffre d'un cancer des poumons. Il est suivi au centre médical de l'armée. Vous savez que les gens qui ont des pathologies qui peuvent être en lien avec les rayonnements ionisants vont être indemnisés. Donc ça, c'est la loi Morin. En effet, depuis janvier 2010, la loi reconnaît le lien entre les essais nucléaires et certains cancers. À l'époque des essais, évidemment, on ne parlait pas des dangers des radiations. Mais Teroki avait peur d'être défiguré par la bombe. Avec ses amis, ils se sont même tatoué leur matricule sur le bras. Voilà, c'est quand, au moment où il voit l'explosion, là, ça fait un effet de peur. C'est là qu'il commence, ça travaille dans la tête. Donc. Si Teroki peut être indemnisé, ce n'est pas le cas de tous les malades. Première condition, il faut avoir été dans la zone de contamination définie par l'armée. C'est un atoll habité. On peut situer donc Tahiti ici et Mururoa ou Moruroa à ce niveau-là. Et donc dans le cadre de la loi Morin, tout le cadran, donc sur 560 km et 100 degrés, toutes ces zones-là ont eu des retombées qu'on peut qualifier de significatives. Et puis il ne faut pas souffrir de n'importe quel cancer, seuls 18 sont indemnisés. Des cancers rares, on ne peut pas prouver formellement qu'il y a un lien avec un rayonnement ionisant, par exemple je pense au cancer du sein chez l'homme. Donc il y a très peu de cas de cancer du sein chez l'homme. À partir de là, donc, on indemnise pour la femme, mais pas pour l'homme, puisque statistiquement, en tout cas, en l'état actuel des choses, on ne peut pas prouver quelque chose. Quoi. À 20 minutes de Papeete, nous retrouvons Raymond Pia. Il souffre d'un cancer de la prostate, un cancer qui n'est pas indemnisé. Il a travaillé 28 ans à Mururoa, au plus près des bombes. Parce que normalement, je te dis, normalement, on descend une bombe, il faut un tenu aspiré pour ça. Et là, non, il n'y a rien. Il est comme ça. T-shirt. Oui. C'est pas normal. Parce que c'est la bombe. On était la bombe. C'est à cause de ça. Ça bouille dans le cœur. Raymond Pia ne comprend pas que son cancer ne soit pas reconnu par l'État français. À l'hôpital de Papeete, le docteur Soubiran plaide pour une liste de cancers plus ouverte. Ça fait combien de chimio que tu as eu déjà? C'est la première? Troisième? Troisième, oui. Il a suivi plusieurs malades de Mururoa. Pour ce médecin, il est difficile de trouver une seule origine à un cancer. Pour lui, les radiations sont des cofacteurs importants, même pour des cancers qui ne sont pas dans la liste du ministère de la Défense. Le programme des cellules est contenu dans des protéines qui s'appellent les chromosomes. Et sous l'effet des radiations, ces chromosomes sont détruits et se recomposent. Et en se recomposant, il y a des erreurs de programmation qui peuvent donner naissance à des cancers. À Papeete, ce jour-là, l'association des anciens travailleurs de Mururoa manifeste contre la loi Morin. À ce 44e anniversaire de la première bombe, a été lancé dans notre pays. Ils veulent élargir la liste des cancers indemnisés et aussi revoir le périmètre des zones de contamination déterminées par l'armée. On nous renouvelle l'affaire de Tchernobyl, c'est-à-dire que le nuage radioactif des essais aériens retombait sélectivement sur quatre îles ou atolls et puis sur un petit bout de Tahiti. Jusqu'en 1974, la France a réalisé 46 essais nucléaires atmosphériques en Polynésie. Selon le ministère de la Défense, 10 000 personnes seraient concernées par les retombées radioactives en Polynésie française. Voilà. Il disait quoi, Chirac, d'ailleurs ? Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas. Ouais, on regarde ailleurs. On regarde ailleurs, surtout quand on fait ça loin, dans des zones qui sont que l'État français colonialise. C'est d'ailleurs un truc qui ressort vachement du ton télévisé de l'époque. Mais aussi de la manière où l'État français, dirigé par Chirac, mais aussi d'autres, hein, c'était toute une clique, voit, parce que certains sont encore en activité, l'emprise sur ces terres. Et voilà. Du coup, il y a le versant écologique, ce qui fait

faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral, pour savoir si il est naturel que les étrangers puissent bénéficier, au même titre que les Français, d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne paient pas d'impôts. Voilà, le bruit et l'odeur, eh ben, on voulait aussi parler, parce que depuis ce matin, il y a tout un foin, car ces obsèques nationales eh ben, permettent de se retrouver tous les partis politiques, tout le monde fait un hommage et tout le monde sera présent à l'enterrement de cette dépouille, sauf Marine Le Pen qui n'est pas la bienvenue, parce que oui, hein, Chirac quand même, il s'est battu contre elle et tout ça, sauf que ben voilà, on oublie un peu vite, quoique cette phrase est quand même restée bien dans la mémoire, ces fameuses sorties racistes. On oublie un peu vite qu'il a accepté des alliances avec le Front National, notamment lors de la prise de la municipalité de Dreux par le Front National, donc, où le RPR à l'époque a appelé à voter pour le Front National. Ses relations colonial et raciste, notamment avec les pays africains, avec tout son délire sur les arts premiers, etc. L'exposition des œuvres que l'État français avait volées au peuple qu'elle a colonisé ou essayé de coloniser. La carrière de Chirac, elle a été aussi marquée par, en 2002, les élections présidentielles où il s'est retrouvé au second tour contre Le Pen. C'était la première fois que le Front National arrivait au second tour. Donc nous nous préparons à vous donner ces estimations. Disons-le là encore, on avait le sentiment que ce premier tour était déjà joué. Vous découvrez la mosaïque de ces visages, de ces candidats en campagne qui pendant 15 jours de campagne officielle et plusieurs mois de campagne tout court se sont déplacés à travers la France, et de cette mosaïque vont surgir les visages des deux finalistes. Dans quelques secondes, il est 20h, voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%, François Bayrou, 6%. La suite de l'histoire, vous la connaissez, un entre-deux-tours marqué par de nombreuses manifestations, un appel à faire un front républicain et voter Chirac pour faire barrage au Front National. Mais dans ce brouhaha, il y avait quelques voix discordantes, et je peux vous dire que c'était difficile à les tenir, qui appelaient à ne pas se leurrer sur les élections. Et c'est l'occasion, cette émission, de relire un tract qui avait été fait à l'époque, qui est distribué à Paris, un texte sur l'entre-deux-tours. L'ordre règne. Les dernières élections présidentielles ne sont pas la victoire de la droite ni du fascisme, mais celle du consensus. Consensus sur la sécurité, l'antiterrorisme et la guerre aux pauvres. Consensus sur la démocratie comme régime idéal à défendre. C'est contre le système économique et social organisé autour de ce consensus politique qui a produit et continuera de produire le fascisme qu'il faut lutter, et non seulement contre le fascisme qui n'est finalement que la partie émergée de l'iceberg. Et lutter non par le vote, mais par l'action directe. Dès le soir du premier tour et des premiers mouvements de rue, les manifestants, dans leur immense majorité, se sont limités à exprimer leur refus de ce qui incarne pour eux le fascisme, la bête immonde, et cela est évidemment vrai et légitime. Bien que pour ces élections, Le Pen ait plutôt polissé son discours et son image médiatique afin d'apparaître comme un candidat crédible, un présidentiable, comme disent les journalistes. C'est ainsi que les détails de l'histoire et autres expressions de sympathie envers le fascisme historique ont été soigneusement évités. Le le dirigeant du FN se présentant comme le candidat du changement radical, de la rupture, représentant tous les déçus de la politique menée depuis des décennies, alors qu'il est lui-même un vieux politicard ayant traversé tous ces régimes. Mais l'insuffisance de ce mouvement et les limites de ses revendications résident bien dans son incapacité politique à comprendre et combattre les facteurs réels ayant permis la remontée du fascisme non seulement en France, mais dans bon nombre de pays européens, notamment en Autriche et en Italie. La cause véritable et profonde de ce phénomène, ce sont les politiques anti-immigrés et anti-pauvres, menées depuis des décennies par tous les gouvernants, nommant qu'ils soient de droite ou de gauche. Toutes les mesures prises par ces politiciens bien pensants ont permis la diffusion massive, la banalisation des idées sur l'inégalité sociale et économique, considérées comme normales, naturelles, éternelles, alors qu'elles ne sont que le produit d'un système économique et social qu'on appelait autrefois le capitalisme. Bref, la gauche et la droite portent l'entière responsabilité de la situation actuelle, quelles que soient les apparences de combattants de la liberté et de la démocratie, qui cherchent à se donner médiatiquement. On peut clairement le constater et si l'on examine la politique menée par cette gauche caviar depuis 1997, après avec l'approbation tacite ou au mieux d'une bien faible opposition des organisations d'extrême gauche. Loi Chevènement qui organise l'emprisonnement et la déportation en masse des étrangers, notamment sans papier. PARE visant à la mise au travail forcé des chômeurs contre un salaire misérable. LSQ organisant la loi de sécurité quotidienne. Organisant le flicage des pauvres sous alibi de la lutte anti-terrorisme après le 11 septembre. Union sacrée autour du militarisme et de la guerre du Kosovo de l'Afghanistan. Répression dans les usines et dans tous les lieux de travail. Répression contre les sans-logis, les mal-logés et les squatteurs, etc. etc. Toutes ces mesures sont dictées au fond par une seule nécessité économico-financière, engranger la plus grande masse de profits pour permettre à un capitalisme en crise permanente de continuer à survivre, et ceci toujours aux frais des exploités du monde entier. Malgré la supposée prospérité du capitalisme français tant vanté par les médias aux ordres, un mécontentement général et diffus s'accroît à un rythme accéléré et démontre, s'il en était encore besoin, qu'aucune solution politique ne peut être apportée dans le cadre de cette société aux problèmes réels de ceux qui subissent au quotidien la domination du capital. Pour cette raison, il est absurde et vain de soutenir aujourd'hui, dans une espèce de sursaut de mauvaise conscience de gauche, la formation d'un front démocratique et républicain contre le fascisme, alors que c'est bien au nom de cette démocratie, de cette république et de ces droits de l'homme que sont emprisonnés et déportés des dizaines de milliers de sans-papiers, ou que la surveillance technologique et le contrôle social se renforcent sans cesse. Construction de prisons et de centres de rétention pour tous ceux jugés dangereux pour la sécurité de l'ordre établi au profit d'une minorité de possédants. Vidéo sur répression tous azimuts contre les populations précarisées et le tout sécuritaire. On veut aujourd'hui nous faire croire ce sont les médias de tous les partis, tous les syndicats et les autres associations humanitaires, suintant la bonne conscience, que le seul moyen à présent d'empêcher l'arrivée du fascisme au pouvoir serait d'aller voter massivement, même à contre-cœur, pour cette pourriture de Chirac qui a toujours représenté les intérêts du capital et de toutes ses classes dominantes. À les entendre, l'abstention ferait le jeu de Le Pen, etc., etc., etc. Mais voter, c'est reconnaître et cautionner un système politique et social dans lequel le fascisme n'est pas une parenthèse, une anomalie ou un incident. C'est bien plus la nécessité pour l'État d'écraser tout ce qu'il conteste, tout ce qu'il juge dangereux pour la stabilité de la sacro-sainte économie. Le refus de vote ne signifie pas se résigner à l'ordre des choses, remettre sa vie entre les mains expertes. Au contraire, compris de cette façon, il devient un acte de contestation plus puissant que toutes ses allégeances à un parti. Dans ces conditions, ce n'est pas l'abstention qui fait le jeu du FN, mais bien le vote et la soumission à l'État qui l'impliquent. Le vote a prouvé mille fois son inefficacité à changer réellement le cours des choses, et seule une action menée dite directement, sans passer par les institutions de cette société, partis, syndicats, associations humanitaires ou autres, peut nous permettre d'envisager un autre avenir que la vie de merde que nous réservent les dirigeants politiques et économiques. On nous répond également que l'on ne peut s'opposer à une décision prise par le peuple, de manière démocratique, par la voie des urnes. Cette rengaine est également reprise par les partisans d'extrême droite eux-mêmes, Le Pen traitant les manifestants de voyous manipulés d'extrémistes. Mais qu'est-ce que le vote, sinon la mise en scène de notre soumission à tous les pouvoirs? Par le vote, nous ne faisons que reproduire et accepter la misère sociale que nous subissons au quotidien, dans et hors du travail ou de l'école. L'individu a tellement intériorisé les normes, les valeurs dominantes, qu'il ne fait par son vote que reproduire le comportement de soumission, d'aveuglement, qui fait l'essentiel de sa vie. Il croit choisir librement alors qu'il ne fait que subir. Ce triste individu, c'est le citoyen enchaîné à l'État et à ses institutions, l'école, la famille, l'armée, la nation, les médias. Dans l'incapacité quasiment pathologique de vivre par lui-même et pour lui-même, ou d'envisager un autre monde que cette société. Bref, si ce tract a été distribué à Paris par de mauvais citoyens. Alors voilà, aujourd'hui, ben, on dit que, eh ben, peut-être que si il y a un tel, entre guillemets, engouement pour les obsèques de Chirac, que Chirac était bien aimé de tous les Français, c'est peut-être au fond qu'il leur ressemblait. Eh ben, si c'est ça, être français, ben, ça, moi perso, ça me fait penser à un mouvement qui était de, à peu près de cette période, début des années 2000, qui s'appelait l'Anti-France. Et ben voilà, je vais lire un début du texte de l'Anti-France, et puis après on va passer un petit morceau. Toi qui es la France, ses lois, ses flics, son armée, ses juges, ses maîtres et ses esclaves zélés, ses écoles, ses usines, ses commerces, ses églises, ses villes et ses campagnes, ses morales et son bon sens, ses hypocrisies, son hygiénisme et sa bêtise crasse, ses rôles, agis. À coups de sarcasme, à coups de pierre, à coups de schlasse, à coups de bâton, à coups de cocktail Molotov, à coups de vis, à coups d'émeute, à coups d'incendie, à coups de fusil, fraude, vandalise, vol, pille, sabote, incendie, détruit, conspire, frappe, frappe, frappe. Allez, un petit morceau. Comme le ciel est beau ce matin, camarade. Ébranlez le désordre au pied de la barricade. Les flammes déchets vitrines des magasins pillés. Et dans le commissariat siégé, les flics ont peur blessés. Les concours en l'air sont les gens de l'Anti-France. Tous ceux qui aiment dire non sont rentrés dans la danse. L'armée des 400 000 occupe le ministère. La voix des insurgés nous déclare la guerre. Et paraît qu'il n'est pas la mesure. Paris qui murmure tout bas, Anti-France vaincra. Et nous on les attend. Nous reprenons les rues, nous agissons stratégiquement. Ils contrôlent les médias, ils nous attendent aux radios. Les armes, ils nous offrent des flammes et des couteaux. Il y aurait des morts, qu'on passe en violent. Avant la somme finale, nous resserrons les rangs. La banque de France boulia, le feu à l'argent. Et la classe ouvrière. Anti-France vaincra, l'armée prend position aux portes de la capitale. Les recharges de gaz, les messieurs me font mal. Et les renforts armés arrivent de la banlieue nord. Les troupes du désordre n'ont plus peur de la mort. C'est le bruit des avions qui vous parlez sérieusement là, ou vous faites de l'humour? Temps, demande, de temps en temps, l'examination, quoi qu'il arrive. Joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, est éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou un voie de l'être. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. Et voilà, joie, rage et courage s'achève ainsi. Il est bientôt 14h sur le 89.5 de Radio Dio. Et donc, on va se retrouver le mois prochain, le 28 octobre de mémoire, où on parlera de la ZAD. Voilà, en attendant, spéciale dédicace à tous ceux qui se, toutes ceux et toutes celles qui se battent ici et là. Pensez au texte qui est sorti des tôles de Rion et à ceux qui ont attaqué la prison de Nancy ce week-end. Voilà, un gros big up. Et puis, cet après-midi, faites du bruit, Anti-France vaincra. En attendant, le mois prochain, vous pouvez aller faire un tour sur le blog de l'émission joie-rage-et-courage.noblogs.org. Il n'y a toujours pas les dernières émissions qui sont mises en ligne, mais ce ne serait tardé. Promis, juré, craché sur... craché partout. Voilà, et puis... si vous voulez nous contacter, on a une adresse mail, c'est clap@riseup.net. Allez, soyez pas trop sages et faites du bruit.